espagnole, c'est que c'était pas la mienne. 6-4 sur le bandeau, je défends mon blast comme au couteau noken. Demande à Z, ton rap on le fait valser à coup de musique cubaine. Bongo ou flamenco, riche de fusion et notre musique urbaine. À la base pourtant, on n'avait pas de clé de sol. Reçu tellement de salles, cicatrices dans nos halls. Résidus des résis vagabondes, le titre de ma quête. 20 ans que je kick ça, mais toujours fin depuis la première cassette. Tenter de nous faire taire, projet dérisoire. On est de la famille des carnassiers depuis la préhistoire. Corde vocale faite d'acier, chico solide comme l'ivoire. Les bestes sont jamais rassasiées, étendent leur territoire. T'as beau être solide, mais dans ce combat tu connaîtras la peur. La garde se rend pas, mais renvoie les coups malgré la douleur. Toujours debout, à la fin du couplet, comme Highlander. Les frères mapogo.com, sit down et mange des popcorn. J'en tape dans l'œil comme un gomme-cogne. En direct live de la Gascogne jusqu'au dom-dom. On crache le feu comme un volcan. Les frères mapogo.com, sit down et mange des popcorn. J'en tape dans l'œil comme un gomme-cogne. En direct live de la Gascogne jusqu'au dom-dom. On crache le feu comme un volcan. Le tueur fut, le tueur fut. Il a une sale gueule, sale gueule. Comme Neil se gueule. Envoie le jingle. Je regarde le monde et je dégueule. Les Wack MC vont vite mais décollent pas comme des autruches. Une vie de pauvre, soit t'en chies, soit tu triches. Et regarde l'autre qui se prend pour la reine d'Autriche. Il frime trop comme un portugais en 4 roues motriches. Arrête de faire le dandy, grandis, t'es pas un bandit. Ils ont tiré en premier, c'est eux, hein. La guerre des classes, c'est pas le CP contre le CE, hein. La lutte, oui. C'est nous contre eux dans nos contrées, y'a que les montagnes qui ne peuvent pas se rencontrer. À sans contraint, rien qui se la contraint. Makulu, pretty boy. Quand tu grattos, c'est sans contrat. Lève les mains, on s'en contentera. Les frères mapogo.com, sit down et mange des popcorn. J'en tape dans l'œil comme un gomme-cogne. En direct live de la Gascogne jusqu'au dom-dom. On crache le feu comme un volcan. Les frères mapogo.com, sit down et mange des popcorn. J'en tape dans l'œil comme un gomme-cogne. En direct live de la Gascogne jusqu'au dom-dom. On crache le feu comme un volcan. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Les frères mapogo.com, sit down et mange des popcorn. J'en tape dans l'œil comme un gomme-cogne. En direct live de la Gascogne jusqu'au dom-dom. On crache le feu comme un volcan. Les frères mapogo.com.